À l'occasion du 37e anniversaire du soulèvement populaire de Guangzhou, l'Association britannique d'études de la politique de Sun Gun a inséré un article dans leur page d'internet. Elle note que le soulèvement populaire de Guangzhou était l'explosion des rancunes de la population sud-coréenne contre les États-Unis qui dominent la Corée du Sud coloniale et les autorités sud-coréennes qui violent l'aspiration et la demande de la population sous la manipulation des États-Unis.